Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord, au 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous. L'électricité n'est pas un jeu. Confiez le travail à des pros. Les électriciens du Nord de l'Ascension, 418-347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs ou usagers. Les électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux Jeux du Québec qui se déroulent à Alma et souhaitent la meilleure des chances aux athlètes et fiers de commanditer le reportage en provenance d'Alma. On va parler des Jeux du Québec avec notre amie Camille Girard. Bonjour Camille. Bonjour. Bon, Camille, si on y allait maintenant avec aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, il y avait beaucoup de formations. On a eu une médaille au niveau du judo. C'était les combats par équipe. Donc, l'équipe masculine a su remporter une médaille d'or. Oui, OK. Donc, oui. Maintenant, on est rendu à 27 médailles. Y a-t-il d'autres compétitions qui pourraient amener des médailles à la région d'ici demain, puisque ça s'achève? C'est demain soir. Là. On est rendu à 26 médailles. Ouais, c'est ça. Mais là, on peut-tu se rendre à 30? Pardon? Est-ce qu'on peut se rendre à 30 médailles? On pourrait, parce qu'il nous reste quand même l'haltérophilie et la boxe. OK. Donc, peut-être que ce serait possible. Je ne vais pas trop m'avancer, mais ça se pourrait. OK. Au niveau du hockey, qu'est-ce qui s'est passé? Les garçons ont fini 12e position et ils ont perdu leur dernière partie aujourd'hui contre l'Outaouais, si je ne me trompe pas. OK. Donc, jusqu'à maintenant, j'imagine que la délégation, il y en a plusieurs de reparties, j'imagine? Non, il reste encore beaucoup de sports en action. Là. Toutes les délégations vont partir demain après la cérémonie de fermeture. OK. Donc, on rappelle évidemment que les gens peuvent voir ça en web diffusion, évidemment, les Jeux du Québec. Et demain, au programme, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Demain, il y a beaucoup de sports qui sont terminés. Par contre, il va rester la marche synchronisée. Si les filles se classent, ils vont aller en finale. Je voudrais que ce serait pas mal. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de sports demain qui vont être en action. La plupart se terminent aujourd'hui. OK. Ben Camille, on s'en reparle demain pour un petit bilan? Si vous voulez. Oui, donc Camille Girard en provenance d'Allemagne pour les Jeux du Québec.